Analyse du 27 janvier 2021, Thierry Pirlo, Sherpa One. QAnon est-elle une psyops? Les écrits de Sherpa contiennent plusieurs liens, vidéos et articles qui sont mentionnés dans le descriptif de ce podcast pour une meilleure compréhension. La question de David Icke. Opération psychologique pour ramasser la dissidence. Analyse suite à la vidéo de David Icke. Question d'une amie qui découvre cette vidéo. Alors, QAnon serait d'après Icke une opération psychologique déjà utilisée en 2014 et même bien avant. Les soi-disant arrestations, les tunnels et le sauvetage des enfants seraient fake, et Q également. Tout est idem d'après David Icke. Existe-t-il une vérité? À quoi bon perdre son temps? Qu'en penses-tu, Sherpa? Coucou Françoise. Voici mon analyse sur cette vidéo de David Icke. Tu en fais ce que tu veux. J'ai la foi et tu es dans le doute. Depuis cette vidéo, plus de nouvelles de David Icke. Ce qui est assez étonnant pour un complotiste de son envergure. Pour le reste, je n'ai aucun problème avec la contradiction, quelle qu'elle soit. Et c'est pour cette raison que je reposte cette vidéo de Icke avec mon analyse de l'époque, à laquelle je ne retirerai pas une virgule. Voici également une vidéo de Alexis Cossette, Q pour les sceptiques, qui date de 2018. Voici mon analyse du 27 janvier 2021. Je pense que nous devrions tous et toutes écouter cette vidéo, non pas pour être d'accord avec lui, ni pour douter, mais pour comprendre. Comprendre que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, ou pour saisir la contre-dissidence dans toute sa splendeur. C'est donc à nouveau un coup de gueule qui va suivre. Pour commencer, ne jamais faire confiance à un Anglais, car ce sont les spécialistes mondiaux de la manipulation psychologique pour vous la mettre à l'envers. David Icke est un frustré de la calebasse. Complotiste depuis plus de 30 ans, il se voit complètement absorbé, dépassé, explosé, coiffé au poteau par la Q-Force et les pauvres imbéciles que nous sommes qui la suivons les yeux fermés. Un troupeau d'ânes battés que nous sommes, vu que cela fait des années qu'il nous met en garde contre ceux qui racontent n'importe quoi et se présentent en faux sauveurs. Oui, mais non, les comparaisons de Icke entre les pseudo-lanceurs d'alerte gourou sauveurs, dont il cite les noms complètement inconnus, et le mouvement mondial QAnon, est du même acabit que de comparer Domino Pizza avec la Tour d'Argent. C'est bien sûr toujours possible que Q et QAnon soit un faux contre-pouvoir pour ramasser la dissidence. Et nous en sommes conscients, voire le scénario 3 que nous avions échafaudé il y a des mois. Mais nous suivons Q, Trump, Flynn, Lindwood, Pompeo et une myriade de lanceurs d'alerte qui ont avec le temps gagné notre respect. Et c'est sans compter sur les milliers d'articles qui, au fil du temps, nous conforte dans l'idée qu'il existe un plan supérieur à notre modeste compréhension des choses, à notre niveau d'ovidé d'après le grand maître solaire Icke. David Icke est amer. Il vomit sa jalousie après avoir écrit 10 livres passés inaperçus où il a dénoncé cette société et ses complots durant tant d'années, à une époque où personne n'en avait rien à faire. Pour se voir plongé dans un quasi-anonymat le jour du grand Covid-19 et il nous compare à notre tour à des moutons. Des moutons de grade supérieur, certes, mais des moutons tout de même. Il nous traite de naïfs affligeants. Le même qui nous annonçait avant tout le monde la présence d'extraterrestres sur la Lune creuse ou l'extermination planétaire grâce à la 5G. Il a peut-être raison, me direz-vous. Oui, peut-être, sur le Covid, sur la reine-mère, sur la Lune et les extraterrestres et la 5G. Mais je pense surtout qu'il peut avoir tout simplement tort sur QAnon. J'ai le sentiment qu'après 30 ans de combat, hormis deux vidéos en 2020 et l'entendre crier au micro lors d'une manifestation anglaise, on ne l'entend ni le voit des masses. Pour une heure de David Icke, j'ai 100 heures d'Alexis Cossette au compteur. Alors, ce sont tous des amateurs sauf lui ? Je pense plutôt qu'il n'accepte pas l'ampleur du phénomène qui le dépasse et dont il aurait aimé être à l'origine. Icke est tout simplement imbu de sa personne et de sa propre conception du conspirationnisme. Et il risque donc le coup de gagner en popularité si jamais on se fourvoie, sauf qu'il va perdre tout crédit s'il se trompe. Et il se trompe. Il fait une vidéo pour retravailler son ego de rosbif, au lieu de nous sortir enfin une vidéo qui tient la route et qui aurait 10% de la qualité de celle d'Alexis Cossette ou de Mohamed Diallo. Fuck Icke. Même s'il a l'air certain de son coup, il n'en sait absolument rien sur QAnon. Il n'a probablement fait que survoler quelques dizaines de drops, alors qu'il y en a plus de 4960. Pire encore, il est possible qu'il soit lui-même sous menace et qu'il ait été retourné par le Deep State British avec son MI6, avec d'anciennes casseroles qui lui collent au cul. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il soit un ancien pote de Jimmy Savile, le pédophile adoubé par la monarchie britannique. Car quand on lit l'historique de Icke sur le net, il y a à boire et à manger, et aussi à recracher. Attention également à l'information, la contre-information et la désinformation. C'est comme pour les agents secrets, agents doubles, agents triples, voire quadruples. Tout est mirage, et seul le bon sens nous guide pour trier l'info. Et surtout, ce qui manque à beaucoup d'endormis, c'est notre cerveau reptilien, celui-là même qui nous permettait, il y a 10 000 ans, de comprendre que lorsqu'un tigre à dents de sabre nous coursait, nous devions absolument accélérer. Conclusion. Je préfère me tromper avec QAnon que de croire dans cette tête de Q de Icke, dans toutes ces théories fumeuses qui font de lui un personnage tout en ego et qui n'a de conseils à donner à personne, hormis à un Écossais abducté et séropositif, en manque de Guinness et surtout concernant la naïveté. Deep State et NOM sont à la base d'une psyops mondiale magistrale à destination du troupeau, c'est un fait. QAnon n'existe techniquement pas, car il y a Q et les anonymes de Q, les soldats digitaux. La vraie psyops se situe au niveau des mainstream qui parlent de QAnon comme des terroristes d'extrême droite, pro-Trump et pro-MAGA, afin de décrédibiliser le mouvement, notamment sur Wikipédia. Et si Q est réellement une psyops négative, on se sera de toute façon bien plus amusé que tous les autres qui vivent dans la peur, et ce, avant de prendre les armes pour le vrai combat qui arrive. Mais à cette heure, je suis encore certain à 95% qu'il ne sera pas nécessaire de se battre et que rien ne peut arrêter ce qui arrive. L'alliance Trump et le Grand Réveil sont réels. Et si seul le Grand Réveil est réel, ça me va aussi. On pourra toujours remercier Trump. Je voudrais rajouter pour les sceptiques que j'ai regardé la vidéo de Icke jusqu'au bout et que cela reste important pour faire travailler notre sens critique, de regarder et d'écouter ce que fait et raconte l'ennemi. Que ce soit des vidéos qu'on voudrait zapper après 2 minutes, de temps en temps les actus ou les pseudo-spécialistes du virus et de la dictature sous LCI, comme cet expert ex-Covid qu'est le professeur Gilbert Deray, néphrologue, c'est-à-dire spécialiste du rein, et qui fait la pluie et le beau temps sur les décisions politiques françaises depuis mars 2020. Il souffle le chaud et le froid, élément essentiel dans la manipulation mentale des Français. Un spécialiste des reins qui a tout fait pour pousser le remdesivir et l'Europe a craché 1 milliard alors qu'il savait depuis le départ que ce médicament détruisait les reins. C'est en lisant entre les lignes et en reconnaissant les vrais ennemis de l'intérieur que nous pouvons comprendre ce qui nous arrive. Et nous avons notre être et nos héros en Belgique comme en France, même si ce n'est pas facile de les reconnaître et de les confondre. Les adeptes de gourous ne suivent et n'écoutent que leur gourou. Pas nous. Les critiques de Bolsonaro sont du même acabit que celles contre Trump avec les accords de Paris ou ses relations avec les femmes. Il faut gratter le vernis pour comprendre que ce sont des hommes avec des défauts et de grandes responsabilités. La gravité du Covid au Brésil est aussi relative que celle aux USA. Recalculée par millions d'habitants, soit 3 fois moins grave que la Belgique. La déforestation et le problème des Indiens est du même acabit que les critiques sur le gaz de schiste aux USA. Avec en plus des milliers de gros propriétaires terriens contre lesquels Bolsonaro ne peut pas faire grand-chose s'il veut fêter son prochain anniversaire. Le Deep State brésilien est l'un des plus puissants du continent américain, tant les intérêts sont énormes. Nous devons regarder et comprendre les choses en mode inversé. Comment ? C'est très simple. Tous les médias nous mentent. Les médias critiques à mort Trump, Poutine, Bolsonaro, Xi Jinping, ils sont pourtant du bon côté. Et à l'inverse, Biden, Macron ou encore Netanyahou sont encensés. Ce sont des vendus du Deep State mondial. L'habit ne fait pas le moine et Trump nous l'a démontré. David Icke a néanmoins raison sur un point. Nous sommes nos propres sauveurs. Aide-toi et le ciel t'aidera. L'Alliance s'occupe du reste. Trust the plan. Aujourd'hui moins que demain. Seule la foi en l'être humain et en nous nous sauvera. Sherpa One.